Chapitre 8e. Vous ne serez pas étonné sans doute, mon cher ami, si je dis que la nuit qui précéda le duel fut pour moi aussi tranquille que celle du feu prince de Condé la veille de la bataille de Rocroi. Ce n'est pas qu'il y ait jamais eu la moindre ressemblance entre ce héros et moi, mais c'est un privilège des jeunes gens qu'aucune idée funèbre ne peut longtemps trouver place dans leur cervelle. Il est certain que je ne pensais pas un instant qu'il pût m'arriver d'être tué. Quant à tuer mon adversaire, je n'y pensais pas davantage. Il me suffisait de lui donner une leçon, peut-être même, car il est difficile de voir clairement le fond de son propre corps, n'avais-je d'autre dessein que de montrer alors toute l'étendue de mon courage et toute la profondeur de mon amour. Beaucoup de gens ont fait des actions héroïques et exposé 100 fois leur vie aux yeux de tout l'univers, qui n'avaient pas de motif plus sérieux pour se faire casser la tête, car l'amour de la gloire n'est au fond que le désir d'éblouir quelques millions de spectateurs indifférents. Et certes, un regard de l'or valait pour moi les applaudissements du genre humain tout entier. Le lendemain, je fus sur pied de grand matin, car je venais habituellement vers 8 heures pour voir ma mère et Laure, avant d'aller chez M. Plotin, et je voulais être revenu assez tôt pour qu'on ne s'aperçût pas de ma sortie. Je voulais qu'on apprît en même temps mon danger et ma victoire. Des héros plus parfaits auraient tenu sans doute à cacher l'un et l'autre, mais je ne suis qu'un homme et cette légère vanité de vouloir passer pour un héros ne contribuait pas peu, je l'avoue, à fortifier mon courage. Dès 6 heures du matin, j'étais donc à Vincennes, escorté de mes 2 témoins qui, par bonheur, y tenaient garnison. L'un des deux, nommé Tory, me conduisit chez un marchand de vin et me fit boire un petit verre d'eau-de-vie. C'était, selon lui, la meilleure préparation pour aller se battre, et il en avait usé en Crimée, dans la tranchée de Sébastopol. Du reste, je soupçonne que c'était pour lui la panacée universelle, car il s'en servait en toutes circonstances et regardait l'eau-de-vie comme un remède souverain contre la fièvre, la goutte, la migraine, le coryza, le mal de dents, la constipation et la diarrhée. « Croyez-moi, cher monsieur, disait-il, avec un verre de bonne eau-de-vie dans le coffre, on peut marcher se battre pendant 24 heures. Si Napoléon avait eu soin de prendre sa ration pendant la bataille de Leipzig, il aurait jeté les Prussiens sur l'Elster au lieu de laisser tomber Poniatowski. Et le matin de Waterloo, si la cantine avait été munie comme elle aurait dû l'être, Wellington aurait été sabré sur le plateau du Mont-Saint-Jean, et Blücher ne serait arrivé que pour assister à l'enterrement de son confrère. Tenez, je me souviens encore qu'une heure avant le second assaut de Malakoff, vous savez, le bon, celui qui nous mena dans Sébastopol, le général MacMahon. Tout en parlant, nous étions arrivés sur le terrain, dans une petite clairière, à quelque distance du polygone, où nous avions donné rendez-vous à mon adversaire. Il y arrivait en même temps que nous, et sa rencontre interrompit la conversation. L'un de ses témoins s'avança vers nous et nous salua poliment. « Monsieur Bûcherie, dit-il, désire avoir une explication personnelle avec Monsieur Cahorzac. » Je me hâtai de répondre que cette explication était inutile, que je n'avais rien à rétracter, que je maintenais tout ce que j'avais dit la veille, à savoir que Monsieur Bûcherie était une mazette au jeu de billard et de plus un fanfaron et un drôle dans la vie privée, et que si ses paroles étaient la cause du duel, il ne nous restait plus qu'à commencer le combat. Au fond, je ne craignais rien tant qu'une explication publique, où le nom de l'or aurait pu être mêlé. Mes témoins parurent un peu étonnés de ma roideur, mais ils ne me désapprouvèrent pas, et Tory dit même assez rondement, « Le vin est tiré, il faut le boire. »« Pardon, monsieur, » continua le témoin de Bûcherie, « vous vous méprenez, je crois, sur les intentions de notre ami. » Il ne veut pas éviter le combat, mais savoir pourquoi. M. Cahorzac lui a cherché querelle, car il soupçonne. Ici, je lui coupai la parole. Monsieur, si M. Bûcherie se regarde comme insulté par moi, qu'il se batte. Sinon, qu'il nous laisse tranquille avec ses demandes continuelles d'explications. Et qu'il ne dérange pas d'honnêtes gens de leur travail, pour leur offrir de discuter encore ce qui devrait être décidé depuis longtemps. Ce n'est pas moi qui l'ai provoqué. S'il lui plaît, après avoir fait blanc de son épée, de la remettre au fourreau, qu'il rengaine. « Le courage est une bonne chose, dit le poète Ferdousi, mais la prudence est un trésor. » Bûcherie, qui s'était rapproché pour entendre ma réponse, rougit de honte à ces dernières paroles. « Eh bien, soit, monsieur, dit-il avec colère, vous voulez un combat à mort, et vous l'aurez. »« Allons donc, répliquai-je, il était temps de vous décider. » On chargea les pistolets avec soin, on mesura une distance de 15 pas, on nous mit en face l'un de l'autre, et l'on donna le signal en frappant 3 coups dans les mains. Au 3e coup, nous tirâmes ensemble avec un succès tout pareil. Je veux dire que les 2 balles s'égarèrent dans les branches des arbres qui entouraient la clairière. « Mon cher monsieur, dit Horry, après avoir rechargé les pistolets, rectifiez un peu votre tir, visez plus bas, et surtout ne tirez pas au hasard et dans le tas, comme si vous aviez devant vous une douzaine de perdreaux. Visez quelque chose, le genou droit par exemple, si vous voulez toucher l'épaule. » Au sang-froid avec lequel ce brave garçon me donnait ses conseils pour la rectification du tir, on voyait qu'il n'était lui-même ni le tireur ni la cible. Néanmoins, je profitais si bien de ce conseil qu'au 2nd coup de pistolet, ma balle perça le pauvre Bûcherie dans la poitrine, pendant que la sienne faisait un trou dans mon paletot près du poignet et se perdait dans l'arbre qui était derrière moi. Bûcherie se laissa tomber sur le gazon et fut presque aussitôt relevé par ses témoins. Il parlait de continuer le combat et voulait qu'on rechargeât les pistolets, mais on s'y opposa. Il perdait beaucoup de sang, sa vue s'obscurcissait et déjà, je commençais à craindre que ma victoire n'eût des suites funestes. Nous eûmes grand-peine à le transporter dans le fiacre qu'il avait amené. Au moment de le quitter, je fus rappelé par lui. « Monsieur, dit-il après avoir du geste écarté nos témoins, il est impossible que vous n'ayez pas contre moi quelque sujet de haine que j'ignore, car vous m'avez insulté gratuitement hier au soir et c'est bien malgré moi que je me suis vu amené à une rencontre. » La vue de ce pauvre garçon, qui peut-être était sur le point de rendre l'âme, me donna quelques regrets de ce que j'avais fait, mais la crainte de compromettre le nom de l'or me fit garder le silence. « Dans tous les cas, ajouta-t-il, quelque sujet de plainte que vous ayez contre moi, vous êtes bien vengé, car vous m'avez insulté et peut-être blessé mortellement. Vous ne pouvez donc pas refuser de me donner la main en signe de réconciliation ?» Plus Bûcherie montrait le désir de se réconcilier avec moi, plus je me raidissais contre cette idée, car je me voyais, par une pente fatale, glisser de la réconciliation dans une amitié que je n'avais aucun prétexte plausible de refuser, et qui l'aurait conduit dans ma maison et près de l'or ce que je voulais éviter à tout prix. Je me contentai donc de lui dire, avec une dureté apparente, qui n'était au fond que de la prudence, « Mon cher monsieur Bûcherie, je vous donne volontiers la main, et je vous tiens pour un homme de cœur et d'honneur. Mais je suis né vindicatif, et il m'est impossible de pardonner à ceux qui m'ont offensé une seule fois. C'est pourquoi ne comptez pas que nous ne revoyons jamais. Le meilleur que nous puissions faire l'un et l'autre est donc de ne nous revoir jamais. » Là-dessus, je le saluai très poliment, et je partis avec mes témoins pendant qu'on le conduisait en fiacre chez un chirurgien militaire de Vincennes, qui, je l'appris quelques instants plus tard, car un de mes témoins alla s'en informer avant de revenir à Paris, assura que sa blessure, quoique grave, serait facilement guérie. Mes 2 sous-officiers m'avaient laissé faire sans hasarder aucune observation. En dehors du combat, ils ne se croyaient pas le droit de me donner le moindre avis, et ils ne rompirent le silence que 5 minutes après que nous eûmes quitté le champ de bataille. « Maintenant, messieurs, leur dis-je, il faut rentrer à Paris et déjeuner. » C'était bien leur dessein, et je crois que j'aurais eu la cervelle brûlée et la poitrine percée de part en part sans que ce double accident eût diminué leur appétit d'un 1 000 g de beefsteak ou d'un 100 l de vin. Heureusement, les choses avaient mieux tourné, et sauf un certain regret du sang versé, tous 2 étaient en humeur de bien faire. Pour moi, j'étais surtout impatient de voir ma mère et de la rassurer, si par hasard elle s'était aperçue de mon absence. Nous montâmes donc dans une voiture qui nous conduisit assez vite au coin de la rue de l'école de médecine, où je mis pied à terre avec mes 2 braves, afin que le bruit des roues de la voiture et l'aspect inusité d'un fiacre arrêté devant notre maison n'attirât pas les regards des voisins. Je ne voulais que prendre le temps de voir et d'embrasser ma mère et Laure, de redescendre sous prétexte d'aller chez M. Plotin et de rejoindre mes sous-officiers au café Voltaire où je leur avais donné rendez-vous. mais par un hasard assez fréquent, ma mère était montée de bonne heure dans ma chambre, s'était aperçue de mon absence, avait cherché dans mes tiroirs et remarqué la disparition de mon plus beau paletot, celui-là même que j'avais endossé pour faire meilleure figure à la bataille. Elle était donc fort inquiète et se demandait quel motif extraordinaire pouvait m'avoir obligé à sortir de si bonne heure et surtout à revêtir mon paletot neuf, un paletot né 3 mois auparavant et que je ne portais qu'au jour de cérémonie. Pendant que, redescendue, elle communiquait ses inquiétudes et ses conjectures à Laure, toutes deux m'aperçurent de la fenêtre et virent en même temps les deux sous-officiers qui me flanquaient à droite et à gauche. Je me hâtai de quitter mes témoins en les priant de m'attendre au café et je montai 4 à 4 l'escalier. « D'où viens-tu, Gaston Phoebus ?» me dit ma mère. « Te voilà beau comme un astre et radieux comme un soleil. Peste, tu as pris ton beau paletot, ta cravate est nouée comme si tu allais à la noce. Qu'est-ce que tout cela, grand Dieu ?»« Eh mais, » ajouta-t-elle, en regardant de plus près le paletot dont la manche avait été trouée par la balle en 2 endroits. « Qui donc a percé ton paletot neuf ?»« Je ne savais pas, » répondis-je d'un air indifférent. « Que tu auras la vue si perçante. Je viens de tirer 2 coups de pistolet sur M. Émile Bûcherie, et il en a tiré 2 sur moi, dont un seul a porté malheureusement sur mon paletot neuf. Voilà toute l'histoire. Et ces 2 sous-officiers que tu as vus tout à l'heure avec moi étaient mes témoins. « Comment ? Malheureux enfant ! » s'écria ma mère. « Tu vas tirer 2 coups de pistolet sur les gens ?» Elle feignait d'être indignée, mais au fond elle était ravie et fière de mon exploit. Je le voyais dans ses yeux pleins de joie, de rire, d'orgueil et de larmes. « Mais regarde donc, Laure, » disait-elle, « regarde donc ce Gaston Phoebus avec sa figure si douce et son air si grave qu'on croirait qu'il passe son temps à dire des patenôtres. Le voilà qui fait le tapageur, qui brûle la cervelle aux gens. « Es-tu fou, mon cher ami ?» dit-elle en m'embrassant pour la 6e fois. « Es-tu fou de chercher querelle aux passants ?»« Ah, maman, M. Bûcherie n'était pas un passant. » Qu'était-ce donc ? C'était, dis-je avec gravité, un impertinent qui avait manqué de respect à Laure. Comment ? C'est l'homme qui écrivait à Laure hier soir ? Oui. Et tu allais le provoquer en duel pour cela ? Oh, pour cela, non. Je suis allé le regarder pendant qu'il jouait au billard. Il était maladroit. Je l'appelais Mazette. Il s'est fâché. Je l'appelais drôle et je ne sais quoi encore. Il m'a envoyé ses témoins et nous nous sommes battus il y a 1 heure à Vincennes. « Tu ne l'as pas tué, j'espère. »« Oh non. » »« Serais-je si gai si je ne l'avais envoyé à de patresse ?»« Je lui ai donné une leçon dont il se souviendra longtemps. »« Voyez-vous ce matamore. Ah, tu te mêles de donner des leçons aux gens. »« Mais est-ce que tu vas monter la garde autour de ta sœur pour éloigner tous ceux qui seront exposés à l'aimer ? Sais-tu même si Laure le trouvera bon ?» Jusque-là, Laure était restée silencieuse et me regardait avec une tendresse inexprimable. Aux paroles de ma mère, elle se leva. « Chère maman, je suis bien fâché d'être pour vous la source de telles inquiétudes. Je remercie Gaston Phoebus de ce qu'il a fait pour moi, mais s'il devait recommencer, je quitterai la maison pour ne plus y revenir jamais. »« C'est cela, mon enfant, » dit ma chère mère. « Chapitre, et semonce vertement ce garçon-là. Moi, pendant ce temps, je vais préparer le chocolat. » Il sortit, nous laissant seuls. Oh, souvenir chéri des premières et éternelles amours, qui pourra vous effacer de ma mémoire ? Dès que ma mère fut sortie, je tombai aux genoux de Laure, je pris ses 2 mains, je les baisai avec passion et je lui dis « Chère âme de ma vie, me pardonneras-tu ce que j'ai fait pour toi ? M'aimeras-tu comme je t'aime, uniquement, passionnément, non plus comme frère et sœur, mais comme amant et maîtresse, comme mari et femme, comme tout ce qui s'aime sous l'œil de Dieu ?» Je ne sais ce qu'elle répondit, ni si elle répondit, mais elle se pencha vers moi, et je reçus d'elle le premier baiser d'un chaste et pur amour. Hélas ! Pourquoi ce bonheur si court et si fugitif n'a-t-il pas duré plus longtemps, car elle était sincère alors, j'en suis sûr. Elle m'aimait. Mais qui peut être sûr de sa destinée ? Tout à coup, ma mère rentra et me vit à genoux devant Laure, qui relevait la tête en rougissant. « Eh bien ? Dit-elle. À quoi pensez-vous donc ? Laure, est-ce ainsi que tu le réprimandes ? Je vois bien, ma chère enfant, que tu n'y entends rien. Va faire le chocolat et laisse-nous. Laure se hâta de prendre sa place dans la cuisine. « Et toi, mon ami Gaston Phoebus, » dit-elle d'un air moitié sérieux, moitié riant, « il me semble que tu t'émancipes aujourd'hui et que tu deviens un homme tout à fait. Qu'est-ce que tu racontais donc alors de si près que j'ai cru, Dieu me pardonne, que vos lèvres s'étaient rencontrées dans un baiser ?»« Je l'aime, chère maman, je l'aime, et elle m'aime. » »« Eh bien, » dit ma mère, « il n'y a pas grand mal à cela, mais que comptez-vous faire ?» Vous êtes bien jeunes tous deux, toi surtout. Et pour entrer en ménage, il faudrait avoir quelque argent. Où sont tes économies ? Je baissai la tête, fort attristée de cet obstacle, qui ne me paraissait cependant pas insurmontable. Certes non, s'écria ma mère, il n'est pas insurmontable, et l'on peut bien s'aimer sous les toits comme les moineaux et les chats de gouttière. Mais il faut prévoir les enfants, qui sont la suite naturelle du mariage, et leur nourricerie, et leur éducation, et leur établissement dans le monde, il faut leur donner une dot. Vous voyez jusqu'où allait sa prévoyance. Elle pensait déjà à doter ses petits-enfants, elle qui n'était pas capable de garder un écu de 5 francs dans son tiroir pendant toute une journée. Ce seul trait peint ma mère. « Où vas-tu » dit-elle en voyant que je prenais mon chapeau pour sortir. Je lui expliquai que j'allais déjeuner avec mes témoins et qu'ils m'attendaient. « Bah, » dit-elle. « Je vais causer de tout ceci avec Laure, et nous tâcherons de tout arranger pour le mieux. » Mais qui m'aurait dit que ce Gaston Phoebus, que j'ai vu pas plus haut qu'un tabouret et dont la moustache n'a pas encore 1 an, et Laure, ah, les enfants, les enfants !